快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。请欣赏19世纪法国作曲家亚当的喜歌剧《龙瑞莫德伊车夫》。亚当是法国著名的作曲家、音乐评论家，曾任巴黎音乐学院教授。亚当生平创作数量颇丰，多种题材都有涉猎。仅一部芭蕾舞剧《吉塞尔》便使他流芳百世，其中《龙瑞莫德伊车夫》是他歌剧创作中最著名的一部。下面请欣赏全剧录音，由弗利通指挥蒙特卡罗歌剧院演出。 Thank you. Je ferai mon mieux. Bonne Madeleine, te voilà Madame Chapeloud, la femme du premier postillon de la poste Longjumeau. Ça flatte l'amour propre d'une jeunesse, hein, méchante. C'est bon, messieurs les jolis cœurs. Vous êtes fiers comme un pan. Écoute donc, Madeleine, sais-tu que j'étais joliment couru des jeunes filles? Quand je pense à ça, j'en étais enjolé de ces femmes. J'en étais croqué de ces poulettes. Oui, mais maintenant vous ne croquerez que moi. Mauvais sujet. Oh, c'est vrai. Il faut dire bonsoir à la vie de garçon. Ah. Mais est-ce que vous ne m'aimeriez plus, monsieur? Moi, qui vous ai fait tant de sacrifices, j'ai encore reçu une lettre de ma tante. Cette bonne tante qui est allée s'établir à l'île de France et qui veut absolument que j'aille la rejoindre. Ah, ça? Est-ce que décidément elle a fait fortune là-bas, la digne femme? Je crois bien. Une fortune de duchesse. Oh. Et tout ça, j'y renonce pour épouser monsieur qui se permet de soupirer. Mais qu'est-ce qui vous tracasse, voyons? Eh bien, tiens, Madeleine, tu vas tout savoir. Tu as entendu parler de la mère Grabille? La vieille sorcière du village. Juste. Savante femme, j'ai été la consulter sur notre mariage. Comme ça se rencontre. Tu sais, le père Gaspard. Le vieux berger, le petit bossu. Oui, je l'ai consulté de mon côté sur notre union. Voyez-vous ça? À tous les deux, qui l'auraient cru, à l'aventure, et singulière. Que pense-t-elle? Ma colère, mes êtes pressé. Allez, votre train, nous, je n'ai pas. Dis donc, Bijou, pendant que j'y pense, pourquoi comptes pas vu à Manos, toi? Parce que j'étais à ma forge. Et parce qu'il est jaloux de voir le bonheur d'un rival. N'est-ce pas, monsieur Bijou? Ah, c'est vrai. Je crois qu'il te faisait un petit droit de cour, Madeleine. Je lui faisais bien une cour tout entière. Sans compter qu'elle ne me voyait pas dans mauvais œil. Ah, oh, si l'on peut dire, faiseur d'histoire. Allez, sans rancune, je ne t'en veux pas. J'ai même un petit service à te demander. Voyons voir. Voilà. Tous les postillons sont en course. Et s'il arrive ce soir un voyageur, il n'y a pas à dire, il faudra que je mette les bottes. Eh ben. Eh ben, quand on se marie, on a autre chose à faire que de galoper la nuit sur la grande route. Alors, tu auras la complaisance de me remplacer en cas de besoin, hein? Ainsi, c'est convenu. Nous pouvons compter sur vous, voisin. Comment donc pouvez compter? Sur rien du tout. Tu refuses? Tout net. Et je ne demande plus qu'une chose. C'est qu'il vienne un voyageur. Non, j'espère bien tout le contraire. Et j'ai lieu de croire... Hola, quelqu'un! Qu'est-ce que c'est que ça? Maudit postillon! Hola, quelqu'un! Un voyageur! Un voyageur! Un voyageur! Que le diable est l'emporte! Fameux, fameux! Dis donc, Chapelou! Fais-tu que je t'aide à mettre tes bottes? Malotré, le postillon qui se permet de me verser, moi, le marquis de Corcy, gentilhomme de la chambre du roi! Y a-t-il un charron dans ce village? Un charron? Mais non. Une roue de ma chaise vient de se briser. Peux-tu me la raccommoder? Oui, mon prince. Et dans une heure, vous pourrez vous remettre en route, vous. Oh, rien qu'une heure, Madeleine. Laisse-moi faire. Si, monsieur, en attendant, vous laissez réfléchir, nous avons un petit vin qui n'est pas méchant. Je n'ai pas soif. Je ne veux qu'une chambre où je puisse attendre en repos que ma chaise soit réparée. Entrez là, monsieur. Vous y serez bien à votre aise. Et nous, allons rejoindre les amis. Oui, oui. Votre servante, monsieur. Maladroit postillon, interrompre un voyage d'une si haute importance, un voyage ordonné par Sa Majesté Louis le XVe. Je vivrai 100 ans que les paroles royales ne sortiraient pas de ma mémoire. Comment, marquis de Corcy, nous n'aurons pas Castor et Pollux à Fontainebleau? Hélas, non, sire. Géliot, qui devait jouer Castor, s'est fait enlever par une duchesse, et le gros, sa doublure, a pris un coup d'air en dînant au port à l'anglais. Et vous n'avez pas un autre castor à mettre à la place? Pas le moindre castor, sire. Il y a de quoi en perdre la tête. À quoi diable sert-il donc de vous avoir donné l'intendance de nos menus plaisirs? Faites des élèves, monsieur. Cherchez des voix. Et je cherche des voix. Si Sa Majesté croit que c'est facile. Râlons encore ces paysans. La gaieté du peuple m'est fastidieuse. Je commence. jeune et galant postillon. C'est véridique, on peut m'en croire, et connu de tout le canton. Quand on passait dans un village, tout le beau sexe était ravi, et le cœur de la plus sauvage galopait en groupe avec se mettait en voyage pour être conduite par lui. On procédait toujours fidèle, on savait qu'à droit postille, s'il baissait parfois une belle, ce n'était que sur le gazon. Jamais ouï. J'ai un contreré? Où ça? Je t'expliquerai plus tard. Il s'agit de m'écouter. Je peux pas. Ma femme, Madeleine, qui m'attend. Il s'agit bien de ta femme. Quand il y va pour toi, de ton avenir, de ta fortune. Ma fortune? fortune. Oui, à cause de ton contreré. Écoute, te dis-je. Je suis intendant des menus plaisirs de Sa Majesté Louis le XVe. Oh, c'est possible, mais vu la circonstance, je suis obligé... Quand je te dis que tu as 100 000 livres dans ton gosier. Dans mon gosier? Ça alors? Tu ne sais pas chanter, non, mais tu as une voix timbrée, flexible, admirable. Je ferai de toi un artiste distingué et dans 6 mois, tu débuteras au Grand Opéra. Comment? Et tu gagneras 10 000 livres par an. 10 000 livres? Et ce n'est rien, cela. Tu verras la cour, les princesses. Allons, allons, ne perdons pas de temps. Je te le répète, songe à ta fortune, à ton avenir. À mes désirs, il faut te rendre. Avec moi vite, il faut partir, il faut partir. Et quoi partir sans plus attendre? Non, je ne puis y consentir. Non, je ne puis y consentir. Non, non, non, non, non, je ne puis y consentir. Y consentir. Il faut partir sans plus attendre. Non, non, je ne puis y consentir. Allô, allô, la résistance est vaine. Le bonheur t'appelle à la cour. Mais qui t'aimera de l'aide? Pour moi, son cœur attend amour. Mon Dieu, ne te mets pas en peine. Bientôt, tu seras de retour. Tiens, je ne puis, non, un autre jour. Demain, plus tard, la semaine prochaine. Demain, plus tard, la semaine prochaine. À la soie, Bali tout regrette. Ma voix m'échapperait, sa belle voix m'échapperait. Pour mon cœur, quelle peine. Je ne puis consentir en ce jour. De la richesse pure de favori, captivant des âmes, de toutes les femmes, des plus nobles dames, qui sont lâchées pour toi, quel avenir joyeux, que de plaisir, que de fortune, dans tes amours toujours heureux, tu séduis la blonde et la brune. Ah, vous allez me tenter, vous allez me tenter, je ne pourrais vous résister, je ne pourrais vous résister. Eh bien, viens, demain, non, dans l'instant, non, non. Demain. Non, dans l'instant. Non, je ne puis. Pour mon cœur faire peine. Je ne puis. Je ne puis en ce jour. Moi qui au roi, demain, il te présente au roi. Oui, dans mon cher, je vais chez le roi. J'aurai de l'or plus gros que toi. Mais expliquez-moi ce mystère. Mais expliquez-moi ce mystère. Devant ce seigneur, j'ai chanté. De ma voix, il est enchanté. Pour toi, telle chose prospère. Moi, j'ai de la foi, Dieu merci. ti pare, sono a prevenir. Dis-lui, dis-lui que je vais revenir ce soir, demain, la semaine prochaine. Allons, allons, il faut partir. Allons, allons, il faut partir. Allons, allons, il faut partir. Rien ne peut plus me retenir. Rien ne peut plus me retenir. Allons, allons, il faut partir. Oh, quelle promesse! Oh, quelle promesse! Quelle promesse! Pas de la richesse! Trop de favoris! I'm

vos ordres, madame, ont été exécutés. Vous trouverez dans votre appartement tout ce que vous avez commandé. Je vais donc revoir mon infidèle. L'idée d'être aujourd'hui près de mon mari, de lui parler, me cause un trouble. Comment ? Vous pouvez aimer encore un monstre qui vous a abandonné depuis 10 ans ? Qui vous a laissé partir toute seule pour l'île de France ? Maintenant que, grâce à l'héritage de votre tante, vous êtes riche, extrêmement riche, que vous n'avez plus rien de la paysanne, oh, à votre place, je ne penserai guère à mon mari. Vous avez déjà changé de nom. Eh bien, moi, je changerai aussi. Sois tranquille. Je lui ferai payer cher son inconstance. Ah, c'est scélérat d'homme. On ne saurait trop les tourmenter. Silence ! Voici le marquis. Ah, voilà la reine de ces lieux. Pardon, pardon, belle dame, de vous avoir fait attendre. Je ne vous en veux pas, marquis. Oh, que ces mots sont flatteurs. Croiriez-vous, madame, qu'un peu plus nous n'avions pas d'intermède ? Que c'eût été contrariant. Ce n'est pas parce que la musique et les paroles sont de votre humble serviteur, mais sans vanité, vous auriez perdu à ne pas entendre les vers que mon amour a enfantés. Mon œuvre est d'une délicatesse. Sous le nom du berger Titire, je m'y plains de vos rigueurs, belle inhumaine. Mais les comédiens viendront, n'est-ce pas ? N'ont-ils pas eu l'audace de refuser d'abord, sous prétexte qu'ils étaient fatigués de chanter, qu'on les accablait de travail ? Enfin, dans un instant, ils seront ici. Ah, vous me rassurez. J'eusse été désespérée de ne pas entendre votre intermède. J'aurais plutôt amené ici toute la troupe d'opéra pieds et poings liés, car pour vous plaire... Que ne ferait-on pas ? Le devin du village a été supérieurement exécuté là avant-hier. Supérieurement ? Je retourne à Paris, madame. Et puis j'espérais que bientôt... Quel est donc l'acteur qui jouait le rôle de Colin ? Le nommé Saint-Phar. Et puis j'espérais que bientôt... Ah, c'est Saint-Phar ! Y a-t-il longtemps qu'il est à l'opéra ? 10 ans à peu près. Puis j'espérais que bientôt... Je suis sûre que c'est un mauvais sujet. Un détestable sujet. Oh, puis j'espérais que bientôt... C'est dommage, il est fort bel homme, ce Saint-Phar. Oh, allons, Saint-Phar, toujours Saint-Phar. Je ne puis plus me présenter chez une belle sans qu'elle me jette ce maudit nom à la figure. Quand je parle d'amour, on me répond Saint-Phar. Ah, c'est pure curiosité, je vous assure. Un homme de rien, un vil paysan que j'ai fait entrer à l'opéra, qui me doit tout, enfin... Ah, c'est vous ? Ah, je t'apprendrai à enlever un mari à sa femme. Que serait-il sans moi ? Un obscur postillon végétant avec ses chevaux, son avoine et sa femme. Oh ! Il est marié ? Il l'était avec une femme de son espèce, une vilaine, une rustre comme lui. Mais il est veuf maintenant, à ce qu'il m'a dit. Veuf ! Il vous a dit qu'il était veuf ? Madame, de grâce, madame, ne me parlez plus de cet homme. Demain, je retourne à Paris. Puis j'espérais que bientôt... Je vous laisse à votre répétition. Je vais écrire à quelques voisins pour qu'ils viennent assister à la représentation. Ne tardez pas à reparaître, car loin de vous, je dépéris comme une tendre fleur. Mais le gosier le plus flexible ne peut résister à cela. Tous vos chanteurs de l'opéra sont plus qu'à 2000 morts déjà. Le berger près de sa bergère enfin souffle dans ses pipeaux. Pour fléchir le cruel cerbère hier en criachon des faux. Le fleuve auprès de sa fontaine n'a qu'un petit filet de voix. Et près de la tendre chimène, le cygne lui-même est aux abois. Tous les acteurs de l'opéra sont plus qu'à 2000 morts déjà. Comment résister à cela ? Cette fête, comme loin d'ici, m'appelle les plaisirs. Peut-être en mon absence, la beauté que j'encense, avec impatience, en son logis m'attend. Pour me guide près d'elle, sans souffre de fidèle, chez moi fait sentinelle,